Tes beaux yeux sont là, pauvre amante, reste longtemps sans les rouvrir. Dans cette pose nonchalante où ta surprise le plaisir. Dans la cour, le jet d'eau qui jase et ne se tait ni nuit ni jour. Entretiens doucement l'extase où ce soir m'a plongé l'amour. La gerbe épanouie en mille fleurs où Phoebe réjouit, mais ses couleurs tombent comme une pluie de larges pleurs. Comme une pluie de larges pleurs. Ainsi ton âme qu'incendie l'éclair brûlant des voluptés s'élance rapide et hardie vers les vastes yeux enchantés. Puis elle s'épanche mourante en un flot de triste langueur qui par une invisible pente descend jusqu'au fond de mon cœur. La gerbe épanouie en mille fleurs où Phoebe réjouit, mais ses couleurs tombent comme une pluie de larges pleurs. Comme une pluie de larges pleurs. Comme une pluie de larges pleurs. Comme une pluie de larges pleurs. La nuit rend si belle qu'il m'est doux pencher vers tes seins, d'écouter la plainte éternelle qui sanglote dans les bassins. Lune au sonore, nuit bénie, arbre qui frissonnez autour. Votre pure mélancolie est le miroir de mon amour. La gerbe épanouie en mille fleurs où Phoebe réjouit, mais ses couleurs tombent comme une pluie de larges pleurs. Comme une pluie de larges pleurs. Comme une pluie de larges pleurs.